séduire. Je vais oser, je vais te le dire, oh je vais te le dire. Tu marches comme on danse. Je te dirai que t'es belle, il ne te mérite pas. Et j'en ai marre de rester là. Ah, je suis le gars du bar, celui qu'on voit pas.